L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission mensuelle, L'apostrophe, l'émission. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée au cycle théâtre et politique proposé par L'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, du 13 au 27 mai 2014. Pour en parler, eh bien, plusieurs invités réunis à l'occasion de cette émission. Tout d'abord, Jean-Joël Le Chapelain, directeur de L'apostrophe, fidèle parmi les fidèles de cette émission. Bonjour Jean-Joël. Bonjour. Sharif Andoura, comédien et créateur du spectacle Al Atlal. Hubert Jappel, metteur en scène de la pièce Les Justes sur un texte d'Albert Camus. Il est par ailleurs directeur du théâtre de l'usine à Éragny-sur-Oise sur Cergy-Pontoise. Et enfin, Arlette Namiance, auteure et adaptatrice du spectacle Tout un homme, une pièce écrite et mise en scène par Jean-Paul Wenzel, qu'elle connaît très bien puisqu'il co-dirige une compagnie. On vous retrouve dans la suite de cette émission. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Cycle théâtre et politique, pour en parler bien, c'est naturellement, c'est vers Jean-Joël Le Chapelain que je vais me retourner. Un cycle qui en est à sa cinquième édition, composé de 5 pièces de théâtre, une pièce chorégraphique et une rencontre débat. L'ensemble aura lieu du 13 au 27 mai, dans 4 lieux sur Cergy-Pontoise. Jean-Joël. Oui, donc c'est la cinquième édition qui nous permet de couvrir, pas totalement, d'ailleurs l'actualité nous dépasse, le regard que peuvent porter un certain nombre d'artistes sur cette relation qui est consubstantielle d'ailleurs, en fait, historiquement au théâtre, entre le théâtre et la politique. Que serait le théâtre sans la politique et inversement, on serait tenté de dire. Donc ça fait la cinquième année que nous essayons, très modestement, au demeurant, d'aller cueillir les artistes qui explorent ces sujets, les spectacles qui sont créés ou qui sont en devenir au moment où on boucle la saison, pour permettre une présentation comme cela au public d'un certain nombre de ces sujets et qui là, au travers de Vaclav Havel, de Jean-Paul Wenzel, au travers de Federico Garcia Lorca qui lui ne sera pas présent dans un texte de théâtre mais dans un texte adapté du théâtre à la danse, Sharif Andoura aussi au travers de l'exploration qu'il fait d'Oum Kalsoum et de Mahmoud Darwish, et puis également James Ellroy dans un opus tout à fait intéressant intitulé American Tabloid, et puis ici évidemment le grand Camus qu'a repris récemment Hubert et que je salue pour cette initiative puisque c'est vraiment des textes qui sont fondateurs d'une réflexion profonde dans la société française, en tout cas du XXe siècle, qui a porté à la scène des problématiques qui sont véritablement au carrefour de ces deux interrogations, celle du civique et du politique, et puis celle du poète et de l'artiste qui jette un regard qui n'est bien souvent pas complaisant, heureusement, sur ce que nous constatons. Et les récents développements de l'actualité, au-delà des élections, on voit bien que l'année qui vient de s'écouler, par exemple, était fertile en sujets qui permettent de donner beaucoup de grains à moudre, en tout, beaucoup de sujets de traitement pour les poètes, pour les artistes, pour les auteurs et les metteurs en scène de ce qu'est cette relation un petit peu pas toujours saine d'ailleurs entre le théâtre et la politique, mais où le théâtre témoin engagé de la politique, ce sera le thème du débat que nous proposeront le 20 mai permettra de faire un petit point sur tous ces sujets. Une manière de rappeler aussi que c'est probablement, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est une des missions, l'une des vocations du théâtre, des gens du théâtre, des auteurs, metteurs en scène, des comédiens, aussi de s'interroger sur tous ces sujets de société. Oui, enfin, je ne sais pas si le théâtre a une mission qui lui aurait été affectée ou désignée par je ne sais qui depuis l'origine des temps, mais il se trouve que lorsque, c'est un peu comme Apollinaire parlant du surréalisme, il dit lorsque l'homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe. Et bien dans le théâtre, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est, on regarde la société, il n'y a pas un acte dévolu au théâtre de parler du rapport des hommes dans la société, dans le théâtre, et dans le rapport du théâtre à la société et le rapport de la société au théâtre. Mais il se trouve que le théâtre est un des moyens les plus efficaces pour traduire sur le plateau de théâtre les interrogations des hommes. Et la mise en abîme, en perspective, la création de fiction ou la transcription de réalité conduisent finalement de manière universelle, et on le voit bien, durable dans le temps, des problématiques qui interrogent les hommes en société évidemment, et qui n'ont pas trouvé de résolution après 21 siècles bientôt de civilisation, sans compter toutes celles qui avaient avant la naissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas. On a de quoi s'interroger sur la permanence de cette sorte de fatalité qui interrogeait déjà les Grecs, qui font que il y a des relations qui n'arrivent pas à beaucoup bouger entre le pouvoir et l'argent, entre le pouvoir et le pouvoir, entre les hommes d'une nation et ceux d'une autre à côté. Enfin, les sujets sont nombreux et le théâtre réinterroge ça constamment et nous aide finalement, tout simplement, bêtement, comme citoyens, à essayer de faire un petit peu le point sur ce que l'on peut penser, de ce que l'on pourrait penser, et en tout état de cause nous aide à vivre malgré. La rencontre débat sur qui aura lieu dans ce cadre-là le mardi 20 mai à 19h30 au Théâtre des Arts à Cergy-Centre, c'est l'occasion de rappeler, si besoin là encore, que le théâtre ne peut pas rester simplement spectateur, pour reprendre un terme propre au monde du spectacle, du politique, mais qu'il peut à la fois être témoin et acteur du politique. Oui, raconter un fait, c'est cesser d'en être l'acteur pour en devenir le témoin. Borges disait cela. Et donc le théâtre est dans cette dimension. C'est-à-dire, si on ne fait qu'aller au théâtre, c'est déjà pas mal et c'est beaucoup même. Mais si maintenant on interroge le théâtre par le biais de ce qu'écrivent les auteurs, si on interroge la perception théâtrale, et c'est là où les auteurs d'aujourd'hui qui ont une perception du monde plus aiguë peut-être que par le passé, même si on sait bien que de très grands auteurs, les classiques comme les anciens, comme ceux de la mythologie, ont porté des thématiques qui sont absolument universelles. Mais les auteurs d'aujourd'hui parlent avec les mots d'aujourd'hui aux gens d'aujourd'hui, et donc c'est peut-être plus facile et plus direct que comme type de langage. Et donc le fait qu'on ait cette interrogation multiple qui dépasse la position de spectateur pour permettre finalement aux citoyens d'aller interroger directement les gens qui font le théâtre et puis de partager des questions qui sont les leurs et les nôtres, on a encore une fois le sentiment d'être un petit peu utile à quelque chose, sans ambition démesurée cependant, mais avec une réelle conviction de ce que l'on fait tout de même. Rencontre débat, pour bien débattre de ces sujets, il faut pour cela des intervenants, des invités. Quels sont ceux qui ont confirmé leur participation? Alors on a deux pour l'instant artistes qui ont confirmé leur participation, mais il y en aura d'autres. Mais il y a Judith Depaul qui crée un spectacle la saison prochaine sur cette thématique, hein, puisqu'elle écrit en ce moment un spectacle qui sera créé au Festival Mettre en scène à Rennes en novembre prochain, et qui sera ensuite dans le Festival théâtral du Val-d'Oise, dans plusieurs villes, et notamment à Cergy-Pontoise en novembre, qui s'appelle Les Enfants de la Terreur. Hein, et donc, elle interroge toute la période des années 70, où au Japon, en Italie et en France notamment, nonobstant l'Allemagne, un certain nombre de groupes sont passés à l'acte de la violence pour faire aboutir leur pensée politique. Et donc, elle a une réflexion assez, assez forte à ce stade sur cette problématique. Et puis, Rachid Ouramdam, qui est un chorégraphe, mais qui depuis depuis pratiquement toujours, depuis qu'il fait des spectacles, interroge cette relation de l'être social dans la société et du rapport aux politiques et singulièrement dans le dernier spectacle qui vient de monter, avec un spectacle qu'on vient de recevoir qui s'appelle Police, un texte de Sonia Chambretto et qui est un spectacle engagé sur le plan de la critique de la place de la police dans une société. Rencontre-débat donc, qui aura pour thème, je vous le rappelle, théâtre, témoin et acteur du politique. C'est le mardi 20 mai à 19h30 au Théâtre des Arts à Cergy Centre. L'entrée est libre et sur réservation au 01 34 20 14 14. 01 34 20 14 14. Voilà qui est dit. Petit détour par la musique proposée, c'est bien par Sharif Andoura qui sera l'un de nos invités au cours de cette émission et on le retrouve tout juste après. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Retrouvons Sharif Andoura pour le spectacle Al-Atlal, ce que l'on pourrait traduire par les ruines. Les ruines, l'un des thèmes majeurs de la poésie arabe, les ruines ou traces laissées par l'amante après son départ. Je suis parti d'une chanson d'Oum Kalsoum, mythe du monde arabe, chanteuse qui a chanté dans les années 20 jusqu'aux années 70. On l'avait surnommée d'ailleurs la diva du monde arabe. Hein. Exactement, la diva, l'étoile de l'Orient, la quatrième pyramide. Oui, enfin, c'est vraiment la mythologie, la mythologie arabe contemporaine. Et il y a une de ses chansons donc qui est assez mythique, qui s'appelle Al-Atlal, qui parle des ruines d'un amour en ruine, d'une envie de libération de cette femme suite à cette histoire d'amour. Et c'est une chanson qui a toujours eu une consonance politique, parce que pendant cette chanson, elle parle à un moment donné de la liberté, elle dit « Donne-moi ma liberté, délie mes mains, je t'ai tout donné, il ne me reste plus rien, tu m'as fait saigner les poignets par tes chaînes, pourquoi les garderais-je alors qu'elles n'ont plus d'effet sur moi? Pourquoi resterais-je enfermé maintenant que le monde est à moi ?» Et en relisant cette chanson, je me suis dit qu'elle faisait écho aujourd'hui, évidemment, suite à tous ces mouvements de libération qui ont eu lieu dans le monde arabe. Et puis moi, quand j'entendais le terme de ruine, je pensais aux ruines de la guerre. Et j'avais envie de parler de ça, de raconter le monde arabe autrement par rapport à l'imagerie médiatique qu'on a aujourd'hui, où on nous montre des images toujours les mêmes, assez violentes. Et j'avais envie de pouvoir aborder cette thématique-là à travers des poètes, à travers des grands textes, à travers des grandes figures du monde arabe, parce que je trouve que c'est nécessaire aujourd'hui de faire des passerelles entre les cultures, qu'il y a toute une partie culturelle qu'on connaît peu. Et puis, d'un point de vue intime, mon père est syrien, ma mère est belge, je suis moi-même issu d'un mélange, et j'avais envie de pouvoir explorer ça. Et donc, partant des ruines de l'amour, j'avais envie de parler des ruines de la guerre, mais non pas dans l'image mortifère des ruines de la guerre, mais plutôt d'envisager les ruines comme ce qui a été détruit, mais aussi ce qui reste, ce sur quoi on peut reconstruire quelque chose. Avec au final nécessairement une lueur d'espoir, parce que effectivement, si on en reste qu'à la vision première, les ruines c'est la désolation, mais sans espoir. Voilà. Exactement. C'est là, pour ça que j'ai choisi des textes de Darwish. Un auteur que j'apprécie tout particulièrement, certainement l'une des plus grandes figures de l'écriture dans le monde arabe, un poète palestinien exceptionnel. Ouais. Oui. Et j'ai choisi Darwish parce que chez lui, qui a traversé des choses extraordinaires dans tous les sens du terme, chez Darwish, il y a toujours de l'espoir. C'est juste. Alors, ça passe par son humour, par son espèce de lucidité. À un moment donné, dans le texte, il parle de son envie de se faire un café. Il explique que ce n'est pas évident d'aller se faire un café dans la cuisine, parce que la cuisine est à moitié détruite. Et puis, il parle de son plaisir de boire le café le matin, de lire le journal. Et puis, il explique qu'en même temps, à Beyrouth, en 82, où est le journal? Il n'y a plus de journaux. Et après, Darwish parle de la vision des choses, c'est-à-dire quel regard on porte sur les choses. Il dit à un moment donné, si le ciel est gris et que je vois une rose pointer soudain des fissures d'un mur, je ne dis pas le ciel est gris, mais je dis quel jour magnifique que ce jour. Ouais. Et ça, pour moi, ça résume assez bien mon point de vue sur le monde et un point de vue qui me touche particulièrement. Parce que je me dis que face à toutes ces ruines dans le monde arabe, on a deux options possibles. Soit on est juste dans la désolation et dans l'amertume, soit on se dit que c'est... ça va prendre du temps, évidemment, mais c'est à l'aube de changement aussi. Enfin, voilà, c'est la vision de la pulsion de vie plutôt que la pulsion de mort. Dernière chose, c'est un projet que vous partagez avec un musicien et il n'est pas là juste pour accompagner ce projet. Non, c'est un grand musicien dans tous les sens du terme. Parce qu'il fait 2 mètres et que c'est vraiment un grand musicien. C'est Kamel Vekri qui est guitariste, qui a embrassé des styles de musique très très différents. Il a fait du jazz, de la musique électronique, son grand-père avait le Diwan de Biskra. Il a fait beaucoup de musique improvisée et Kamel a écrit toute une musique qui est en lien avec ça, où on part de la chanson d'Oum Kalsoum, on démarre avec elle et avec une chanson enregistrée en concert, avec ces voix là où tout à coup, ça y est, on est parti, on est au Caire, on est à Beyrouth, voilà. Et puis Kamel, c'est comme s'il ouvrait des brèches dans cette chanson d'Oum Kalsoum, et puis il y a toute sa musique, où on a travaillé aussi sur le traitement d'Oum Kalsoum, il y a des moments où on chante aussi. Et après, il y a une surprise à la fin que je ne vous dévoilerai pas. Mais... On gardera le mystère et le suspense. Juste, Sharif Andoura a indiqué que ce spectacle sera présenté à deux occasions, le lundi 19 mai à 20h30 au Centre culturel de Jouy-le-Moutier, ainsi que le lundi 26 mai, la semaine suivante, à 20h30, cette fois-ci à l'Apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Exactement. Pour les gens qui viennent, qui ont la familiarité avec tout ça, de venir les entendre autrement, et les gens qui connaissent très peu le monde arabe, c'est l'occasion de venir le découvrir autrement. Et voilà. C'est un spectacle dans les deux langues, français et arabe ? Il y a des parties en arabe, oui, tout à fait. Merci à vous. Des parties à devoir en arabe. Merci à vous. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Dans le cadre de ce cycle théâtre et politique, eh bien prochainement à l'affiche, comme il vient d'être dit, le spectacle « Tout un homme » de Jean-Paul Wenzel. Et pour en parler, c'est Arlette Namian qui co-dirige avec Jean-Paul Wenzel une compagnie qui a pour nom Dorénavant, c'est bien ça. Et pour Jean-Paul Wenzel, qu'on admire même au niveau de son travail en ce qui me concerne, parce que j'ai un peu de mémoire et depuis fort longtemps, on s'est croisés ici et là dans certaines scènes de France et de Navarre, comme il convient de dire, et j'ai les souvenirs assez mémorables des fédérés. Donc pour ceux qui ont ce souvenir lointain, compagnie qui a existé entre 1985 et 2002 du côté de Montluçon, ils ont créé, lui et d'autres comme Jean-Louis Urdin ainsi Olivier Perrier, les fameuses rencontres théâtre à Hérisson. C'était à la fin des années 70 jusqu'aux années 2000. Pour l'heure, nous sommes ensemble pour parler de ce spectacle, d'une création. C'est un spectacle qui est défini pour Jean-Paul Wenzel avec les mots suivants. Un salut fraternel à tous ces hommes, femmes et enfants qui ont vécu leur vie entre deux rives, ni d'ici ni d'ailleurs, immigrés. Tout est dit, mais il va falloir en dire davantage cependant, Arlette Namian. Oui, alors juste une petite rectification. En fait, les fédérés n'étaient pas une compagnie, mais un centre dramatique national implanté à Montluçon. Absolument. Et en effet, l'été, nous avions le festival d'été d'Hérisson. Alors, pour revenir à Tout un homme, oui, c'est exactement la phrase emblématique du spectacle, c'est celle-ci. Nous n'avons gagné qu'un seul mot, entre deux rives, immigrés. Mais évidemment, le spectacle, c'est l'épopée de ces jeunes Tout un homme. C'est Jean-Paul Wenzel a écrit d'abord un récit, une fiction, sur l'épopée de ces jeunes gens dans les années 60, 70, 80, qui sont venus, ou qu'on a fait venir, ou qu'on a recruté, comme c'est le cas au Maroc, qui sont venus parfois seuls, comme c'est le cas d'Ahmed dans la pièce, en France, dans les mines de Lorraine. Voilà. Et donc, les mines sont un épisode de leur épopée, mais Jean-Paul Wenzel, dans son récit, raconte le départ du pays, les résonances de la guerre d'Algérie pour Ahmed, par exemple, le départ du pays, l'arrivée à Marseille, Paris, enfin, et la Lorraine pour des raisons familiales. Et on traverse comme ça la vie d'un homme. Donc ces enfants qui grandissent, qui ont un autre rapport à leur pays d'origine, qui sont nés ici en Lorraine et qui ont fait leurs études ici, etc. Donc voilà, on a une complexité humaine à partir de ce personnage qui s'appelle Ahmed et qui s'en va de Kabylie à 16 ans, juste après l'indépendance. Alors en même temps, tous ces personnages ont un récit de vie, des récits singuliers nécessairement, à chacun sa vie, même s'il y a dans l'histoire de l'immigration des choses partagées, il y a cependant des histoires communes. Et comment c'est pas mis bout à bout des récits de vie qui vont faire un spectacle pour autant? Non, il a commencé, en fait on lui a commandé, la région Lorraine lui a commandé ce récit fiction. Parce qu'en fait, ils ont commandé aussi à des sociologues de l'université de Metz un certain nombre de travaux basés sur des entretiens que ces sociologues feraient avec des anciens mineurs maghrébins, ceux qui sont restés en Lorraine avec leur famille et ceux qui sont repartis au Maroc et en Algérie. Donc ce travail a été fait et puis ils se sont dit, un livre de sociologie, c'est intéressant, mais les principaux concernés, c'est pas ce qu'ils vont lire peut-être en premier. Donc voilà, ils ont eu le, voilà, ils ont eu l'idée de demander à un auteur, à Jean-Paul Wenzel, d'écrire d'abord une fiction, un livre. Et puis, un livre inspiré d'entretiens qu'il irait des sociologues et d'entretiens qu'il ferait lui-même en étant là-bas en résidence d'écriture. Donc c'est ce qu'il a fait, en fait, à Forbach, puisque nous étions accueillis par la scène nationale Le Carreau de Forbach. Il s'est promené, il a rencontré dans tout le bassin houillé, il a rencontré des anciens mineurs et leurs familles. Et puis, il a écrit le premier chapitre sur l'immigration algérienne, Ahmed, une épopée algérienne. Et donc, tout de suite après avoir fait ça, il a eu envie de... Il a été très impressionné par la parole des gens. C'est-à-dire que ses pères, la plupart du temps, qui n'avaient pas transmis leur émigration, leur travail à la mine, leur vie, tout simplement, à leurs enfants. Les enfants n'avaient rien entendu de tout ça. Ce qui était une réalité dans nombreuses familles, oui, en réalité. Oui. Parce que souvent, ça ne se disait ça pas. Il n'y avait pas forcément une honte, mais on n'avait pas l'envie de transmettre ce type d'histoire. Non. Et voilà. Et les enfants étaient très, très... Les enfants, les jeunes gens de 25, 30 ans, étaient extrêmement surpris du récit que leurs parents faisaient de tout ça et qu'ils n'avaient jamais entendu. Et Jean-Paul Wenzel, qui était donc pour eux un étranger, qui ne connaissait pas, il me disait, à peine je disais bonjour, et en fait, un récit arrivait, mais par flot, comme ça, la mémoire. Et il a été très frappé parce qu'il y avait une puissance de la parole et une puissance des souvenirs et il les regardait parler, voyait leur visage, leurs gestes, leur corps, tout bougeait. Et comme c'est un homme de théâtre, il a eu envie d'en faire théâtre. Parce qu'il y avait quelque chose de cette énergie-là. Et donc, tout de suite après avoir écrit ce récit-là, sur l'émigration algérienne, il a dit au directeur de l'association sociale du bassin houillé, qui faisait partie de... qui était un de ceux qui lui avaient commandé le livre, il lui a dit, moi j'ai envie de leur rendre la parole. Mais leur rendre la parole avec ce que je sais faire, c'est-à-dire du théâtre. Et dans un premier temps, c'est ça qui est intéressant dans toute la production du spectacle, dans un premier temps, il est parti avec trois acteurs, qui font toujours partie du théâtre d'ailleurs, du spectacle, trois acteurs, un musicien, un technicien, une camionnette, et le directeur de la SBH lui a trouvé une vingtaine de représentations dans le bassin houillé, mais pas du tout dans les théâtres, dans les centres sociaux, dans les associations d'Algériens, etc., les médiathèques, les musées de la mine. Donc là, c'est vrai que le public, les anciens mineurs maghrébins et leurs familles, qui très souvent n'étaient jamais allés au théâtre, voyaient pour la première fois une pièce de théâtre, souvent, et une pièce qui racontait leur histoire. Bon, c'était donc des soirées assez inoubliables. Et en fait, après ces 20 représentations, Wenzel a fait la deuxième partie de son livre, c'est-à-dire Saïd, un rêve marocain, pardon. Donc sur l'immigration marocaine, qui elle est un peu plus tardive, qui date en fait du premier choc pétrolier en 1974, quand le gouvernement a voulu relancer les mines. Donc là, ils ont envoyé un ancien de la coloniale dans le sud marocain, les mines, les houillères, ont envoyé un ancien de la coloniale pour recruter des jeunes marocains un peu durs à la tâche, habitués à la chaleur, comme il dit dans le texte. Et voilà, donc c'est tout à fait une autre immigration, c'est-à-dire que celle d'Ahmed était solitaire, individuelle, et celle des Marocains était... Voilà, un recrutement collectif. Et voilà, donc ces jeunes gens de 18-19 ans à qui ont entendu comme ça un jour, la France recrute 44 francs par jour, tout compris le chauffage, le logement gratuit, etc., se sont précipités par milliers sur la place de Ouarzazate. Et là, ils ont été recrutés. Bon, mais alors là, il y a des épisodes avant qu'ils arrivent dans les mines de Lorraine. Donc, c'est très différent. Et une fois qu'il a fait ces deux récits, on s'est dit, on va en faire théâtre, bien sûr. Et donc, on a adapté le récit, tous les deux. Et puis, le livre a été édité début 2011. Et puis, on a fait une recherche de production classique. Et là, voilà, maintenant, ils sont 5 acteurs, 2 musiciens. Et ça a été tourné évidemment beaucoup dans les théâtres, cette fois en Lorraine, mais à Metz, Nancy, etc., mais dans les théâtres où les quarts venaient de plein d'autres petites villes, au Carreau ou à Metz ou à Nancy pour voir le spectacle. Donc il y a eu un public extrêmement mélangé. En même temps, je suppose, parce que c'est aussi normalement la magie, la force du théâtre, c'est que ça puisse s'adresser à tous après, oui, qu'on ait vécu ou non ces histoires de vie, que ça rappelle des souvenirs aux uns ou aux autres. Derrière ce récit, parce que là vous venez de nous faire un récit, de nous restituer effectivement cette expérience quand même assez incroyable sur le plan théâtral, puisque là cet objet, ces récits de vie se sont transformés en objet théâtral. C'est au fond l'histoire de l'immigration. Quand on parle de l'immigration à longueur de temps sur nos chaînes de télévision aujourd'hui, on a une vision assez stéréotypée de l'immigration. Quand on commence à s'intéresser à ces histoires de l'immigration, vous venez de nous en donner quelques facettes, eh bien on a une autre approche, une autre définition de l'immigration. Quelques mots, Jean-Joël Le Chapelain, sur ce qui vient d'être dit. Pas grand chose à dire, si ce n'est que ça évoque complètement le sujet de la transcription en théâtre de moments de vie des êtres. Alors, c'est en ce sens-là que le poète, l'artiste a une utilité incontestable, puisque en même temps il dépasse, comme on l'entendait, le cadre de la commande, puisqu'on lui demande une chose. Alors c'est ce que font tout le temps les artistes d'ailleurs, hein, on leur propose une chose et ils en font. Ah, ils répondent à la question, généralement, ce sont des gens très civils, mais ils proposent autre chose, non pas par souci de proposer autre chose, mais parce qu'il y a une association d'idées souvent et que cela complète un peu le propos. Et cette idée, en effet, pour un pays comme la France, enfin singulièrement pour l'Est de la France, qu'on connaît moins évidemment ici, mais c'est plus général, je pense, sur l'ensemble du territoire hexagonal, pour un pays, le nôtre, qui a dû avoir recours à ses populations pour développer son industrie quand même, c'est ça, il ne faut pas perdre ça de vue, que ce sont aussi, en dehors de ces questions de volonté de pouvoir aller ailleurs de ces populations en Afrique du Nord, il y a le désir et le besoin pour les populations, enfin pour le pouvoir français, d'avoir de la main-d'œuvre qui vienne compléter celle qui était défaillante au sortir de la guerre quand même. Enfin, c'est tout ce processus qui conduit à cela. Et donc le fait que le poète, l'artiste, l'auteur, finalement, à partir d'une proposition, mette en perspective ces deux immigrations qui nous ont constitués, si on peut dire, nationalement, je trouve que ça offre une perspective intéressante, d'autant plus avec la manière avec laquelle c'est fait, qui ne dénonce rien, qui donne la parole aux gens et qui nous permet même d'avoir un bon petit thé à la menthe entre les deux. Et ça, c'est la dimension conviviale de Jean-Paul Wenzel et ses acolytes. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, là, on voit bien la réaction quand vous parlez des publics mélangés, quand on parle des publics très très diversifiés. Par exemple, là, on en est à la deuxième tournée. Là, pour le moment, on est à Lyon, au TNP, etc. On commence une deuxième tournée. Dans la première tournée, jusqu'à Nanterre, les gens, c'est vrai que ce soit Lorraine ou ici, les gens ne savent pas grand-chose. Vous avez raison de dire, ils savent ce qu'ils entendent à la télévision, mais ne savaient pas grand-chose. Et d'ailleurs, la région Lorraine, quand elle a commandé ce texte, cette fiction à Jean-Paul Wenzel, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de documents sur l'immigration polonaise, italienne, dans les mines, des films, etc. Et tiens, comme par hasard, très peu de choses sur l'immigration maghrébine. Donc, en fait, la commande vient de cette prise de conscience qu'ils ont eue. Et le public lorrain, par exemple, qui était le premier spectateur, ils étaient extrêmement émus parce que eux non plus, qui vivaient à côté, n'étaient pas au fait de ces épopées incroyables de ces jeunes gens qui sont venus. Une mémoire vivante qui n'est vivante que si elle ne se partage. Et c'est peut-être l'occasion, à travers un spectacle comme celui-ci, de partager la mémoire vivante. Spectacle à voir donc à l'affiche vendredi 16 mai à 20h30 au Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Et samedi 17 mai à 20h30, toujours au même endroit, Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Oui, l'animateur a bien préparé l'émission, je vous confirme. Voilà qui est dit. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Autre spectacle à l'affiche de ce cycle théâtre et politique de l'apostrophe, eh bien, il est question d'Albert Camus avec la pièce Les Justes sur une mise en scène d'Hubert Jappel. Spectacle à voir les 24 mai et 25 mai prochains au Théâtre de l'Usine à Éragny-sur-Oise. Avec donc un auteur qui a été déjà célébré au Théâtre de l'Usine à Éragny-sur-Oise depuis quelque temps, puisque en 2013, c'était le centenaire de la naissance d'Albert Camus, et qu'à ce sujet, Hubert Jappel a eu l'occasion de présenter dans son lieu au Théâtre de l'Usine d'autres créations, mais parmi lesquelles Les Justes au cours d'une précédente saison, et qui est repris pour le mois de mai prochain. Oui, oui, c'est une reprise qui a été en partie nettement suscitée par le cycle théâtre et politique promu par l'apostrophe. Alors, Les Justes, si on l'aborde de la façon par le plus simple bout, Albert Camus, donc c'est une pièce qui date de 1947 et il s'inspire d'un fait historique qui est un attentat raté, l'attentat en 1905 contre le grand-duc qui était la personnalité la plus proche du tsar. Et à cette occasion... l'intérêt de présenter Les Justes aujourd'hui, outre le fait qu'on célèbre le centenaire d'Albert Camus, c'est de mettre en relation l'événement initial qui inspire la pièce, le regard que porte un auteur à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale sur cet événement, et nous, aujourd'hui, le regard que nous portons à la fois sur Camus, qui lui-même considère l'événement de 1905. Donc c'est tout ce recul historique qui me paraît rendre la chose particulièrement intéressante. Alors maintenant, très vite, bon, Camus pose le problème de l'action politique par le moyen du terrorisme. Il la pose dans sa plus grande complexité et, comme l'évoquait un peu tout à l'heure, je crois, Jean-Joël, le problème n'est absolument pas résolu. Il pose notamment le problème de la limite de cette action. Jusqu'où peut aller, en quelque sorte, la violence ? Et donc c'est la question, ce qu'on appelle aujourd'hui et ce qu'on appelait à l'époque des Grecs, la limite. Pour Camus, il y a une limite. Et pour le terrorisme le plus connu, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que la violence s'appuie sur le slogan « La fin justifie les moyens ». Et autre chose fondamentale, la fin justifie les moyens en vue d'un avenir, j'emploie un mot religieux, promis. Bon. Là, on voit bien quand même, quand on parle de violence, parce que ceux qui nous écoutent, c'est vrai que c'est un mot qui est rentré un peu, qui est banalisé aussi dans notre vie quotidienne, la violence. Là, c'est au-delà de ça, c'est la tyrannie. Il est question plutôt... C'est la violence contre la tyrannie. C'est la question de la... jusqu'où la violence révolutionnaire, la violence terroriste, jusqu'où peut-elle s'exercer, y compris contre la tyrannie. D'accord. Bon. Cette violence, j'insiste bien, se justifiant par la fin, justifiant les moyens, la fin étant un avenir qui ressemble fort à une promesse, hélas, messianique. Mmh. Et alors, le grand intérêt aujourd'hui, c'est que on a connu la fin du stalinisme. Donc la fin de cette histoire la fin momentanée de cette histoire du communisme, Camus ne l'a pas connue, nous, on l'a connue ou on la connaît en ce moment. Donc ça peut plonger les esprits inquiets dans la plus profonde perplexité. Donc c'est la question donc de la limite de la violence. Jusqu'où peut-on aller ? Mais c'est aussi en même temps la question du nihilisme. C'est-à-dire ? On fait table rase, on détruit tout et on recommence. Mmh. Et la question du nihilisme, je ne suis pas le seul, j'enfonce des portes ouvertes, elle est d'actualité, si j'ai bien compris, depuis qu'un certain Friedrich Nietzsche l'a signalé. C'est aussi la notion de progrès qu'un certain Friedrich Nietzsche a déjà signalé, et la confiance aveugle. La foi dans la technique et la science, dénoncée par Friedrich Nietzsche dès 1870. Et je pense que, enfin, pour moi, dans les justes, il y a tout ça, sans réponse, hélas. Ouais. Albert Camus disait la chose suivante: « Les écrivains ont toujours été du côté de la vie contre la mort. Où serait la noblesse de ce dérisoire métier s'il n'était fait justement pour plaider inlassablement la cause des êtres et du bonheur. » Albert Camus, Défense de l'homme, juin 1949. Oui, c'est très beau. La question, une autre question qui est centrale, c'est la question des forces de vie et des forces de mort, pour être sans pédanterie, c'est ce qu'on appelle ce conflit sans solution apparente entre Eros et Thanatos. Conflit auquel, sans pédanterie non plus, parce que je n'ai pas le lieu en entier, mais quand même, ça je m'en souviens bien, que Sigmund Freud signale dans « Malaise dans la civilisation », et ce qui est inquiétant, c'est que donc, Sigmund Freud a écrit ce texte, sauf erreur, en 1929, et qu'en 1929, dans ce conflit entre Eros et Thanatos, Sigmund Freud indique très clairement son pessimisme sur le vainqueur de ce combat. Alors, bon, il faut rassurer nos auditeurs tout de même, parce qu'il s'agit d'une pièce de théâtre passionnante. Et jouée par, donc, animée par des personnages passionnés. Huit comédiens, je crois avoir vu, non ? Oui. Donc, du monde sur scène, et pour nous faire partager un très beau texte d'Albert Camus. Le texte est très beau. Ceux qui connaissent mal, j'ose l'affirmer, Camus pense que c'est littéraire. Non, c'est un langage soutenu, mais c'est celui d'une tragédie. C'est à voir et à découvrir le samedi 24 mai à 21h et le dimanche 25 mai à 16h au Théâtre de l'Usine à Iragny-sur-Oise pour ces deux représentations en partenariat avec l'apostrophe dans le cadre de ce cycle théâtre et politique. Et pour ceux qui auraient une indisponibilité pour ces deux dates, eh bien possible de voir ce spectacle entre le 16 et le 23 mai et cela toujours au même endroit, au Théâtre de l'Usine à Iragny-sur-Oise. Voilà qui est dit, Hubert Japelle, merci. On le savait et on le sait toujours, homme de conviction et de passion, eh bien, aujourd'hui, ce sera une nouvelle fois l'occasion de le vérifier. Oui, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter à l'évocation du spectacle de Camus, dont il a été question dans l'émission, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que le titre du spectacle, Tout un homme, est emprunté à la phrase de Sartre que je vous livre. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il ? Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'est dans les mots de Sartre. Merci. Avant de découvrir notre intermède musical, c'est une proposition qui va nous être faite par Arlette Namianche pour nous proposer de découvrir le trio Basmas et pour une raison particulière, Arlette. Voilà, puisque le trio Basma a été formé par un des musiciens du spectacle Tout un homme, qui s'appelle Hassan Abdelrahman, qui est un musicien syrien, qui est arrivé à Lyon il y a quelques années, une quinzaine d'années, et qui a formé ce trio qui joue dans toute la France. Et voilà, donc c'est un des deux musiciens qui ont composé les musiques du spectacle, mais ça c'est leur CD. Le trio Basma. À la croisée des mémoires, ça tombe bien si on a pas mal évoqué ces sujets. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Nous allons évoquer plus rapidement, Jean-Joël Le Chapelain, trois autres spectacles à voir à l'affiche de ce cycle théâtre et politique. Commençons par le texte peu connu du romancier Vaclav Havel, Le Cochon, spectacle de Vladimir Moravec, proposé par le théâtre Loi au bout de la ficelle. Deux représentations les 13 et 14 mai au Théâtre des Arts à Cergy Centre. De quoi s'agit-il ? Alors, Le Cochon, c'est une fête qui a lieu comme dans beaucoup de contrées populaires. En France, ça existe beaucoup, les fêtes autour du cochon. Du cochon, on fait plein de choses autour de lui, puisque, comme dit l'adage populaire, tout est bon dans le cochon, ce qui est vrai. Enfin, tout est, en tout cas, utilisé, récupéré pour la nourriture des humains. Et donc, en fait, Vaclav Havel avait écrit en prison un texte là-dessus qui était en fait une satire. C'était une interprétation des rites liés à cette fête du cochon pour décrire la société dans laquelle il était, notamment la place de la police, des indicateurs, des traîtres et autres gens de ce genre qui existent dans toutes les révolutions et dans tous les régimes. Et il se trouve que les épouses des incarcérés dont il faisait partie avec la Laval à l'époque, avait constitué une association, un regroupement de gens qui s'appelait Le Tombeau. Et ces femmes qui étaient rassemblées dans ce regroupement qui s'appelait Le Tombeau avaient préparé tous les ans une fête autour du cochon. Et donc c'est au moment où cette fête se préparait qu'il est sorti opportunément, si on peut dire, sans l'avoir évidemment prémédité de son côté. Et donc ce texte a été lu la première fois à ce moment-là, texte écrit en prison. Et donc Vladimir Moravec, qui dirige artistiquement le théâtre de Loi à la ficelle, alors qu'on ne se trompe pas, Loi à la ficelle, c'est en fait une satire, puisqu'on voit Loi avec une ficelle autour du cou, donc on imagine que Loi est tenue en laisse comme un chien, mais on sait aussi que Loi est un animal qui est totalement indiscipliné, il est très difficile de le tenir en laisse, donc d'où l'explication de ce titre. Et donc, dans cette pièce qui s'inspire autant de La noce chez les petits bourgeois de Brecht, par exemple, que des textes de Kafka sur la métamorphose ou d'autres de ce genre, il y a une espèce d'exploration qui a été faite par Vladimir Moravec, qui est un metteur en scène qu'on a accueilli ici à Sergi Pontoise à plusieurs reprises, notamment pour la flamboyance de ses mises en scène et la façon totalement de théâtre de l'Est de monter ses projets de manière très baroque, avec de la musique, de l'utilisation de micros, enfin, des choses qu'on voit très peu ici dans cette partie de l'Europe. Et donc il s'est saisi de cette pièce pour en faire un cirque Havel, hein. Donc il voulait faire un hommage autour de Václav Havel, je le rappelle, président de la République tchèque pendant plusieurs années, qui a été obligé de procéder à la scission entre la Slovaquie et la Tchéquie, et qui, en fait, était quelqu'un d'extrêmement estimé. Après sa mort, il est toujours dans ce pays pour tout ce qu'il y a apporté. Et donc, l'hommage que voulaient rendre les saltimbanques, entre guillemets, à cet auteur, était un hommage qui prenait la forme d'un cirque, au sens qu'ils avaient exploré plusieurs parties de leur œuvre. Et donc, ils ont finalement, sans l'avoir prémédité, réutiliser plusieurs des séquences qu'il y a dans Le Cochon pour émailler ce spectacle qui fait appel à des tas de choses, le chant, la danse, évidemment l'ironie beaucoup, et le théâtre évidemment de Václav Havel, c'est-à-dire par définition un théâtre politique et de l'ironie. Sur le ton, tout ça, de la farce, du grotesque, du burlesque, et même, dit-on, sous la forme inédite d'une opérette dell'arte. Voilà, dire que tout y est. De quoi nous amuser, assurément, les 13 et 14 mai prochains. Et ça sera traduit, évidemment, en direct, hein, bien sûr. Deux autres spectacles à découvrir à l'occasion, dans un style différent, pour les amateurs bien d'ambiance polar, peut-être qu'on peut leur recommander particulièrement. Manche, c'est American Tabloid, c'est le premier volet d'une imposante trilogie littéraire intitulée Underworld USA, et on va voir donc American Tabloid. Alors Nicolas Bigard, qui est le concepteur de ce grand projet, qui est en résidence à la scène nationale de Bobigny, qui est à l'origine de ce grand projet, a monté là le premier volet de ce projet, et il a beaucoup de mal parce qu'il s'est finalement affronté à une sorte de monstre théâtral dont il voit l'étendue de ce qu'il doit faire pour arriver à ses fins. Mais le projet est absolument formidable, notamment par l'utilisation du texte de Jim Elroy sur la vision de ces années 60, qui voit aux prises aux États-Unis plusieurs éléments qui se sont révélés être déterminants pour notre avenir occidental d'ailleurs. D'un côté, le communisme qui s'installe à Cuba, ensuite le FBI qui veut récupérer finalement tout le pouvoir qui pouvait exister et redistribuer autrement le pouvoir, notamment avec les millions qui se trouvaient dans les casinos qui à ce moment-là étaient à Cuba, la montée corrélative d'un candidat qui avait toutes les qualités pour être un beau menteur et une belle figure de l'Amérique jeune, qui était John Fitzgerald Kennedy, alors que son frère Robert était lui aux prises avec la justice, en maîtrisant, enfin en ayant des responsabilités de la justice et en faisant une interface assez discutable, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la mafia. Autrement dit, il a fait un deal avec la mafia pour soutenir son frère pour qu'il soit président des États-Unis, ce qui a réussi et à entraîner tout ce que l'on sait derrière. Donc James Ellroy traduit autour de ces trois courants que j'ai essayé de résumer rapidement, enfin soit trois pôles, il essaye de traduire l'histoire de l'Amérique de ces années 60 autour de figures emblématiques qui représentent ces trois courants, ces trois forces qui ont agité cette histoire. Et ça donne un spectacle tout à fait impressionnant, un peu dans la démesure, je dois le dire, mais tout à fait intéressant à plein d'égards, notamment parce que Nicolas Billard est un jeune homme qui a 35 ans et qu'il s'affronte finalement à une espèce de monstre comme ça, et que théâtralement c'est tout à fait formidable à voir, et c'est à mettre en parallèle avec les autres choses quand on entend l'interrogation sur le nihilisme qu'évoquait tout de suite Hubert, quand on entend l'interrogation que posent les justes sur faut-il tuer, faut-il ne pas tuer pour obtenir les évolutions de la société que l'on souhaite, on est dans une problématique de cet ordre qu'on a vécu véritablement pour ceux qui étaient en âge de le faire à ce moment-là dans les années 60 en direct, et dont on ne mesure pas encore complètement probablement les conséquences. C'est un peu comme la chute du stalinisme, dont on voit bien qu'aujourd'hui il tenterait d'être renaître de ses cendres au travers de l'Eurasie de M. Poutine par exemple, et donc ces questions, on voit bien qu'elles sont quand même profondément d'actualité. American Tabloid, ambiance roman noir américain assuré, c'est les 22 et 23 mai prochains au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Finissons, autre spectacle à l'affiche de ce cycle théâtre et politique, Noces de sang et suite flamenca, par la compagnie Antonio Gades, et qui nous propose une soirée fantastique qui aura lieu le mardi 27 mai au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Une soirée en deux temps, avec ces noces de sang qui font partie du cœur même de l'œuvre de Federico Garcia Lorca qu'on évoquait tout à l'heure, n'est-ce pas ? Oui, donc là, enfin, c'est une œuvre majeure de ce grand auteur espagnol qui a été souvent monté au théâtre. Et là, on voit bien que la transcription, si on peut utiliser ce terme, mais c'est presque cela, sur la danse, sur le plateau de théâtre, avec des danseurs, de l'épaisseur d'Antonio Gades, qui malheureusement a disparu depuis en 2004. Pas mal de temps maintenant, ouais. Et qui a impulsé quand même une nouvelle façon de revisiter la danse flamenco et de la nourrir de l'intérieur par un geste politique. On voit bien que cette manière de transcription est d'une redoutable, j'allais dire, efficacité, au sens où les mots de Federico de Garcia Lorca n'ont plus besoin d'être là, ils sont complètement traduits en gestes dans les rapports qu'il crée sur le plateau. Et donc c'est véritablement un moment tout à fait passionnant, intéressant, et c'est pourquoi nous l'avons mis dans ce cycle théâtre et politique. Bien qu'il n'y ait pas de parole, c'est quand même de la politique que nous vivons sur scène, et quelle politique, puisque sur un autre plan, puisqu'on voit bien que là dans ce cycle, avec les États-Unis d'un côté, l'interrogation sur le début du siècle dans les justes, Al-Atlal avec le projet de Sharif, et puis Federico Garcia Lorca notamment, sans parler, comme je viens de le faire, de l'Europe centrale, on a quand même un panorama des grands moments du dernier siècle qui sont des sujets de réflexion, d'interrogation, qui ne sont pas inutiles peut-être par les temps qui courent. Merci de nous avoir présenté tous ces spectacles, de nous avoir fait partager toutes ces informations. Le cinquième cycle théâtre et politique proposé par l'Apostrophe, c'est du 13 au 27 mai prochain, dans quatre lieux de Cergy-Pontoise, au Théâtre des Arts à Cergy, Théâtre des Louvrets à Pontoise, Théâtre de l'Usine à Iragny-sur-Oise, ainsi qu'au Centre culturel de Jouy-le-Moutier. Pour toute information et pour toute réservation concernant les différents spectacles qui vous ont été présentés au cours de cette émission, composez le 01 34 20 14 14, le 01 34 20 14 14, ou bien sur internet au www.l'apostrophe.net. Remerciements à tous nos invités et intervenants. Remerciements également à Arnaud Vasseur qui est dans l'ombre, qui m'a aidé à préparer cette émission, à Damien Gissa et à Jérôme Letellier qui l'ont réalisé avec brio. Cette émission animée par Gérard, votre serviteur et animateur, qui sera plus brillant le mois prochain, c'est promis, José Guérin, sera rediffusé samedi 12 avril de 9 à 10 heures sur RGB, sur le 99.2 FM, ainsi que sur le www.radio-rgb.net, puis disponible ensuite en podcast sur le site de votre radio locale RGB. Pour le prochain numéro de l'apostrophe l'émission, rendez-vous le mercredi 7 mai de 19 à 20 mai sur la même antenne de votre radio locale. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à l'apostrophe à Cergy Pontoise ainsi que sur votre radio locale RGB sur le 99.2. Merci à vous, salut, à bientôt. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.